exposition Figure de Clown du 1er juillet au 26 août à la bibliothèque municipale de Waterloo. Une évocation de l'histoire des clowns à travers des documents hauts en couleur, photos, costumes, jouets anciens, bronzes et accessoires. Entrée libre, horaire d'ouverture 03 20 81 66 38. Exposition L'histoire du stade Amédée Prouvot, visible actuellement jusqu'au 31 août au musée des arts et traditions populaires de Waterloo. Dès les années 1920, le stade faisait partie des plus beaux stades de France. Une épopée racontée par Francis Boet à travers cette exposition de photos et d'objets sortis de leurs archives. Après cette évocation du passé, venez découvrir le projet de la nouvelle cité des sports prévu dans le cadre de la rénovation du quartier du Crétinier. Au programme de la fête nationale les 13 et 14 juillet sur Waterloo. Mercredi 13 juillet 23h, feu d'artifice tiré du plomb d'eau. Jeudi 14 juillet 14h30 dans la plaine du parc, ateliers et démonstrations de cerf-volant, manège, trampoline ou encore kermesse. Porte ouverte également et animation à la ferme pédagogique. À ne pas manquer, le podium avec dès 14h30 un spectacle de marionnettes ou encore sur scène dès 17h Alain Delorme, puis Marie-Myriam et enfin à partir de 19h le concert d'Hervé Léonard. Retrouvez toutes ces informations et bien d'autres encore sur galaxyfm.com. Galaxy. Galaxy. Music for happy people. Happy people. Happy people. C'est Michael H sur Galaxy. Michael H sur Galaxy. Galaxy. chez Michael H sur Galaxy. We'll be right back.

RKLH sur Galaxy. Radio Galaxy. Galaxy. DJ Michael H sur Galaxy. Michael H. sur Galaxy. Thank you. chez Michael H sur Galaxy. Michael H. Michael H sur Galaxy. Radio Galaxy.